Job chapitre 38. Alors l'Éternel répondit à Job, du milieu d'un tourbillon, et lui dit, « Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des paroles sans science ? Sains maintenant tes reins comme un vaillant homme, et je t'interrogerai, et tu me feras voir quelle est ta science. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui est-ce qui en a réglé les mesures, le sais-tu, ou qui est-ce qui a appliqué le niveau sur elle ? Sur quoi sont plantés ces pilotis, ou qui est celui qui a posé la pierre angulaire pour la soutenir ? Quand les étoiles du matin se réjouissaient ensemble, et que les fils de Dieu chantaient en triomphe ? Qui est-ce qui a renfermé la mer dans ses bords, quand elle fut tirée de la matrice, et qu'elle en sortit ? Quand je mis la nuée pour sa couverture, et l'obscurité pour ses langes, et que j'établis sur elle mon ordonnance, et lui mis des barrières et des portes, et lui dit, « Tu viendras jusque-là, et tu ne passeras point plus avant, et ici s'arrêtera l'élévation de tes ondes ? As-tu, depuis que tu es au monde, commandé au point du jour ? Et as-tu montré à l'aube du jour, le lieu où elle doit se lever, afin qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants se retirent à l'écart, et qu'elle prenne une nouvelle forme, comme une argile figurée, et que toute chose y paraisse comme avec de nouveaux habits, et que la clarté soit défendue aux méchants, et que le bras élevé soit rompu ? Es-tu venu jusqu'au gouffre de la mer, et t'es-tu promené au fond des abîmes ? Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu compris toute l'étendue de la terre ? Si tu l'as toute connue, montre-le. En quel endroit se tient la lumière, et où est le lieu des ténèbres ? Que tu ailles prendre l'une et l'autre en son quartier, et que tu saches le chemin de leur maison ? Tu le sais, car alors tu n'as qui, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu entré dans les trésors de la neige ? As-tu vu les trésors de la grêle, laquelle je retiens pour le temps de l'affliction, et pour le jour du choc et du combat ? Par quel chemin se partage la lumière, et par quelle voie le vent d'Orient se répand-il sur la terre ? Qui est-ce qui a ouvert les conduits aux inondations, et le chemin à l'éclair des tonnerres ? Pour faire pleuvoir sur une terre où il n'y a personne, et sur le désert où il ne demeure aucun homme. Pour arroser abondamment les lieux solitaires et déserts, et pour faire pousser le germe de l'herbe ? La pluie n'a-t-elle point de père, ou qui est-ce qui produit les gouttes de la rosée ? Du ventre de qui sort la glace, et qui est-ce qui engendre le frimas du ciel ? Les eaux se cachent endurcies comme une pierre, et le dessus de l'abîme se prend. Pourrais-tu retenir les délices de la poussinière, ou faire lever les tempêtes qu'excitent la constellation d'Orion ? Peux-tu faire lever en leur temps les signes du zodiaque, et conduire la petite ours avec les étoiles ? Connais-tu l'ordre des cieux, et disposeras-tu de leur gouvernement sur la terre ? Crieras-tu à haute voix à la nuée, afin qu'une abondance d'eau t'arrose ? Enverras-tu les foudres, de sorte qu'elles partent, et te disent, « Nous voici ? » Qui est-ce qui a mis la sagesse dans les cœurs, ou qui a donné à l'âme l'intelligence ? Qui est-ce qui a assez d'intelligence pour compter les nuées, et pour placer les outres des cieux ? Quand la poudre est détrempée par les eaux qui l'arrosent, et que les fentes de la terre viennent à se rejoindre ?